Le soleil qui t'ignore. Je lui ai mis dans la craquette, je lui ai mis tout en levrette. Oui madame, le soleil qui t'ignore. Je lui ai mis dans sa craquette, je lui ai mis tout en levrette. Oui madame, je lui ai mis dans sa craquette, je lui ai mis tout en levrette. Oui madame, oh je lui ai mis dans sa craquette, je lui ai mis tout en levrette. Oui madame.